Pour prendre la suite, donc Laurent Causse, responsable énergie. Responsable du service énergie de la coopérative Ferme de Figeac. Donc c'est une petite coopérative d'approvisionnement qui se situe dans le Lot, le nord-est du département du Lot. C'est une petite coopérative de 600 adhérents. 95% des adhérents sont des éleveurs bovins, donc bovins lait, bovins viande. La coopérative, en fait, a deux métiers traditionnels, c'est l'approvisionnement agricole, les engrais, les semences, les aliments. Et puis c'est également un petit réseau de magasins de libre-service agricole. Et donc là, je vais vous présenter un nouveau métier de la coopérative, donc service énergie, qui a été créé il y a 3 ans. Suite à ce projet photovoltaïque qui est un peu le projet phare de ce service, effectivement qui a réussi, mais je vous rassure, on a des projets photovoltaïques qui étaient dans les valises ces derniers temps et qu'on a complètement abandonné parce qu'effectivement la réglementation ne permet plus de faire ces projets dans les mêmes conditions. Avant de vous présenter le modèle, je dirais deux mots quand même sur l'origine de ce projet, parce que c'est important de le réaliser. C'est une démarche qui résulte d'un long processus, d'une conviction de la part des dirigeants et des administrateurs de la coopérative. La conviction de dire, bon, la coopérative, ça a aussi, elle a aussi un rôle important à jouer dans le développement local. Et donc il y a deux faits marquants qui nous ont amenés à créer ce service énergie. Il y a d'abord une visite à Fribourg, en Allemagne, qui a été pour nous un choc, hein, de réaliser qu'on est tombé sur des métiers nouveaux, enfin, le monde rural, donc l'éolien, le photovoltaïque, la méthanisation, le bois énergie, et tout ça, c'est des choses qu'on ne connaissait pas. Donc ça nous a vraiment intéressés et on est revenu très interrogatif de cette rencontre. Puis après, il y a eu toute une démarche de réflexion prospective qu'on avait lancée en 2007, sur l'avenir de l'agriculture dans le Ségala. Le Ségala, c'est notre petite région, dans les années 2020. Bon, ça rentrait dans les détails, en fait, il y avait deux types de scénarios. Un scénario où, en fait, on fait rien, on se laisse vivre, et globalement, en 2020, on disparaît, il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de coopérative. C'est tout à fait ça, hein. Là, on est en train de voir... Enfin, il y a une crise agricole très importante avec la crise du lait, avec les fins des quotas, c'est quand même assez dramatique. Donc, on s'attend à ce qui est beaucoup moins d'agriculture. Et heureusement, il y a un scénario qu'on a baptisé « Changement de cap ». Donc un scénario de rupture basé sur une autre logique développement durable, logique produire local, produire mieux, dans lequel le territoire a un rôle fondamental à jouer. Et un scénario dans lequel également l'innovation a un rôle capital. C'est le carburant et l'énergie pour développer de nouveaux métiers centrés sur les bioprestations. Bon. Et donc tout ça nous a conduit à au niveau coopérative à rester en veille et en veille active, à mobiliser des moyens pour se préparer à ces nouveaux métiers. Que lorsque le photovoltaïque, les nouveaux tarifs sont arrivés, c'est vrai qu'on était prêts. On a démarré par faire une première centrale photovoltaïque sur un de nos magasins, une centrale sur une jardinerie de 62 kg qui a été mise en service le 1er avril 2008. Et suite à ça, donc, on a voulu en faire profiter le maximum d'adhérents. La première idée qui nous est venue en tête, c'est de dire, bon, on va faire un groupement d'achat, on va réunir toute la demande, le maximum d'agriculteurs pour essayer de faire un appel d'offres pour obtenir des prix intéressants au niveau des fournisseurs. Ça n'a pas trop bien marché, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de retours, une dizaine d'agriculteurs seulement. Et donc c'est là qu'on a réalisé un certain nombre de freins qui étaient des freins de financement, parce que c'est quand même, c'était à l'époque on parlait de coûts photovoltaïques à l'ordre de l'ordre de 6 euros le watt crête. Donc c'était pour 5 kilos, c'était quand même très très important en termes d'investissement. Et puis malgré tout, les agriculteurs, et comme tous, on n'était pas au courant de cette nouvelle technologie. Et face à des investissements comme ça, c'était dangereux. Et il y avait très peu de monde qui était capable de prendre ce risque. Donc c'est là où on a changé de façon de travailler. Et on a décidé de proposer une démarche collective. Et là, notre surprise, il y a eu un retour extrêmement important de la part des agriculteurs. Et on est passé d'une dizaine d'agriculteurs intéressés à peu près à 200 agriculteurs qui ont répondu favorablement à cette démarche pour le collectif. Aussi parce que c'est la coopérative qui leur proposait ça, il y a une certaine crédibilité de la coopérative. Et donc ils se sont dit, ok, on leur fait confiance, on y va. Bon. Alors, en termes de montage, c'est relativement simple à comprendre. Donc les agriculteurs propriétaires des bâtiments agricoles, bâtiments agricoles qui sont adaptés à la production d'énergie photovoltaïque, deviennent associés, membres d'une société, enfin associés d'une société créée spécialement pour ça, donc une SAS, que l'on a baptisée Ségala Agriculture Énergie Solaire. Et donc ce sont seuls les agriculteurs propriétaires de ces bâtiments qui sont propriétaires de cette structure. Il n'y a pas d'autres actionnaires. Hein, c'est uniquement. Et dans les statuts, il est bien précisé que ne peuvent être actionnaires de cette société que les propriétaires des bâtiments, qui en fait, eux, louent les toitures à la SAS. Et la SAS devient propriétaire des centrales qu'elle installe. Donc elle achète les panneaux photovoltaïques et elle installe les panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles. Donc c'est la société qui est propriétaire des contrats de raccordement ERDF, qui est propriétaire des contrats d'obligation d'achat. Donc elle vend l'électricité à EDF, et elle retourne aux agriculteurs actionnaires de la société, une fois déduites toutes les charges de fonctionnement et de maintenance, elle retourne le fruit de cette vente d'électricité sous forme de loyer et sous forme de dividendes. Alors en termes de volume, c'est quand même une grosse opération. À un moment donné, on est arrivé jusqu'à 400 associés intéressés, mais ça dépassait les 100 millions d'euros, donc on a eu peur. Donc on a mis des critères techniques un peu plus rigoureux, de façon à réduire quand même le nombre de bâtiments. Et donc ça s'est soldé et ça s'est terminé à un projet de 6,8 MW, donc 190 bâtiments équipés environ, pour 105 associés, 109 centrales photovoltaïques, 109 points d'éjection, avec un financement global de 33,7 millions d'euros. Donc pour lever ces fonds, on a demandé aux agriculteurs de mettre 20% de l'investissement sous forme de capital social, ce qui représentait 6 millions et demi. Et les 80% restants, on est allé voir les banques qui ont constitué un pool bancaire et qui, au bout d'un certain nombre de négociations, ont financé le reste. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est que pour mettre les 20% dans le capital société, les agriculteurs ont emprunté. Donc globalement, les banques ont financé 100% de l'opération. Bon, ça représente une production de 7,5 mégawatts heure par an. Donc voilà, en termes de résultats et de retombées économiques, je vous ai rapidement une courbe pour dire que comme tout projet dans les énergies renouvelables, c'est des projets avec une rentabilité à moyen et long terme. Donc il y a plusieurs phases. Une première phase où il y a deux ans, là où il y a bien sûr c'est la phase d'installation, où il n'y a aucun retour. Il y a une autre phase où on se retrouve avec l'ensemble des prêts, ça donne 12 ans. Cumulé à la fois le prêt de financement global du pool bancaire et les prêts accordés aux agriculteurs. Donc une phase de 12 ans où il y a une petite rémunération. Parce que là, la courbe, c'est les résultats nets, c'est-à-dire une fois tout déduit, les frais, les emprunts des agriculteurs, les emprunts de la société, les frais, etc. Hein, donc le résultat net, hors impôt. Et donc après la deuxième année, donc ça remonte très vite. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un bon. En moyenne, ça fait un résultat net de 20 euros par mètre carré sur la base des 60 centimes. Donc c'était facile à l'époque. C'était enfin, avec ce tarif-là, même si on achetait le photovoltaïque autour de 4,5, 4,5 euros le watt crête, ça reste et on se retrouve avec un business plan très intéressant. Je dis ça parce que sur le territoire, ça représente quand même 1,2 million d'euros de résultat net en moyenne par an sur 20 ans. C'est une forme de subvention qui arrive au monde agricole. Et qui est très important pour soutenir l'activité agricole. Également, ça a eu des répercussions sur la coopérative. La coopérative effectue la maintenance de tout ce parc. Donc, elle part, elle rémunère. Il y a trois emplois qui ont été créés autour de ça pour faire la gestion et toute la maintenance du parc. Et c'est tout un savoir-faire qu'on a accumulé, qui aujourd'hui se démultiplie sur d'autres activités. On pourrait signaler en termes de retombées qu'il y a eu également des retombées environnementales importantes. C'est 60 000 m² de bâtiments qui ont été enlevés, 66 hectares de toiture, donc 6 hectares essentiellement en amiante qui ont été recyclés, donc c'est pas rien. Et puis également, il y a eu toute la phase d'investissement où il y a eu beaucoup d'entreprises locales mobilisées pour construire ce parc collectif. L'objectif initial qui était de mobiliser un maximum d'agriculteurs, d'en faire profiter un maximum hein, de cette opportunité, ce photovoltaïque, a été atteint parce que ça concerne 110 salariés, 110 associés. On aurait pu aller beaucoup plus loin, mais je vous avoue que c'était quand même beaucoup de travail pour la coopérative et pour une technique qui restait quand même nouvelle. Et on s'est dit, bon, on finit une première phase, puis on va en faire une deuxième, on va reproduire si ça marche bien. Dans le carton, donc beaucoup d'autres dossiers qu'on a mis à la poubelle parce que justement les modèles économiques ne sont plus valables aujourd'hui. EDF a multiplié par 5, moi je l'ai comptabilisé, entre le non-raccordement qu'on a fait sur la première phase et les raccordements qu'on a demandé, les coûts de devis qu'on a demandé à EDF sur les projets qu'on avait déposés l'année dernière, il y a eu une multiplication par 5, un coefficient de 5, donc c'est énorme et ça pénalise grandement les projets photovoltaïques. On a eu toutes sortes d'agriculteurs et c'est ça qui est intéressant aussi, qui ont répondu présent, c'est-à-dire c'est pas simplement les gros, c'est aussi les petits bâtiments, les gros bâtiments. Et donc ça crée au niveau de la coopérative un esprit de solidarité qui est assez positif. On a mutualisé toutes les charges, on mutualise aujourd'hui toute la production. Donc que le coût de raccordement soit important ou qu'il soit faible, bon, les agriculteurs touchent la même chose à la puissance installée sur le bâtiment. Donc ça crée encore une fois un esprit de solidarité. Le fait d'être mutualisé comme ça, ça a permis de dégager, de spécialiser des moyens sur des dossiers assez lourds comme les assurances, comme les dossiers administratifs auprès de RDF, auprès d'EDF, obligations d'achat. Et puis ça sécurise énormément l'affaire puisque sur les 110 centrales, on se retrouve avec 4 ou 5 centrales qui posent problème avec du contrat, avec le paiement des factures. Donc l'agriculteur qui se retrouve face à ça, il a des gros problèmes. Tandis qu'en mutualisant, on n'a pas de problème de trésorerie et donc ça ne se voit pas. Et enfin, bon, en termes de mutualisation, ça nous a permis de créer, de constituer une équipe de maintenance spécialisée. Aujourd'hui, on est très pointu dans la maintenance du photovoltaïque et on va au-delà de ce qui est préconisé. On est en train de mettre, on a déposé 2 brevets pour le lavage des bâtiments. On intervient très rapidement dans la journée lorsqu'il y a un problème. Donc, ce qui permet d'optimiser tout ce parc et toute la production. Donc voilà, très rapidement, une courbe du résultat fait de la production sur les 2 dernières années. En jaune, vous avez la production prévisionnelle et en bleu, vous avez la production réelle des centrales. Donc avec les 2 bosses, donc l'été 2011 et 2012. Donc un printemps 2011 qui avait été particulièrement bon. Un automne également, donc avec une année 2011 qui se termine avec plus 15% par rapport au prévisionnel. Et une année 2012 qui démarre bien. Enfin, on avait des tarifs intéressants. Donc aujourd'hui, au niveau de la SAVS, on a retourné beaucoup plus que ce qui était prévu. Sur l'année 2011, on a redistribué aux agriculteurs 1,5 million euros de plus que prévu. Sur 100 agriculteurs, ça fait 15 000 euros qui sont arrivés en moyenne. Hein, donc c'est loin d'être négligeable. Et on se retrouve également avec quelques moyens financiers qui nous permettent de nous engager et de financer du développement sur d'autres énergies renouvelables. Je termine rapidement. Donc on est aujourd'hui engagé dans l'éolien, dans la méthanisation, dans un parc solaire au sol et dans le bois énergie. Dans l'éolien, notre objectif, en 2009, il y avait la société Valorem qui est venue sur le territoire avec un projet de parc éolien. On leur a proposé un partenariat. Est-ce que ça vous intéresse de vous associer au territoire sur ce parc? Ils ont dit de suite oui. Donc aujourd'hui, on est en train de structurer cette composante territoire pour mobiliser sur le territoire 49% de l'investissement aux côtés de Valorem, qui est développeur et qui possède ce permis de construire. On est allé un peu plus loin avec une collectivité voisine qui a déposé une ZDE. Aujourd'hui, le projet consiste à faire un parc éolien citoyen, donc vraiment avec les habitants du territoire, mais à partir du développement. L'argent disponible au niveau du photovoltaïque, on va le mobiliser pour financer ce développement. Parc solaire au sol, pareil, on a trouvé un site intéressant qui ne fait pas de concurrence à un usage agricole, qui est proche d'un poste source RDF d'une vingtaine d'hectares. Donc là aussi, on est en train de voir comment mobiliser les habitants pour autour d'un projet photovoltaïque au sol, sachant que là, le problème, c'est quand même le modèle économique. C'est loin d'être gagné. Voilà. Méthanisation, 2 mots. On est sur 3 projets de méthanisation. Là, ce sont des petits groupes d'agriculteurs qui sont mobilisés. Donc, ce n'est pas une démarche collective, mais c'est des agriculteurs qui se mettent ensemble pour pouvoir mutualiser des moyens et faciliter la création d'unités de méthanisation, sachant que là, on se retrouve devant des problèmes habituels de méthanisation, qui sont de trouver des matières méthanogènes suffisantes et des sources de valorisation de la chaleur. Bois énergie, là, on a un territoire couvert de forêts. Ça fait la moitié du territoire est en forêt, qui est très peu exploité. On a un territoire qui est assez loin dans les réseaux de chaleur, avec des perspectives de développement de réseaux chaleur qui sont très très très importantes. Donc avec un besoin de plaquettes forestières très importante. Et on se dit comment faire pour valoriser la ressource locale. Le bois énergie seul ne suffit pas, il faut aussi travailler sur le bois d'œuvre. Donc on essaie de coupler les deux pour avoir des modèles économiques qui tiennent la route.